envie et mes envies. Je sais même plus où je me suis cru. Je ne sais même plus où je me suis vu. Derrière mes genoux, à penser.